Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Bulle de Rêve à l'antenne de Radio Libertaire. Je suis cette semaine accompagné de Nicolas Tis, bonjour Nicolas. Bonjour. Et de Marie-Pauline Mollaret, bonjour Marie-Pauline. Bonjour. Au programme de cette émission, un retour dans un premier temps du Cartoon Movie, donc avec Nicolas et Marie-Pauline. Puis dans un deuxième temps, une deuxième heure, puisque nous devons rentrer dans nos pénates à partir de 18h. Nous vous avons préparé une deuxième partie d'émission préenregistrée au Festival de Rennes, le Festival du film d'animation de l'AFCA, avec deux interviews, une interview de Sophie Racine pour son film Rivage et une interview de Bastien Duprier pour son film Lisa. Et dans un premier temps, on écoute un morceau qui s'appelle The Island, c'est le titre du morceau par Marie-Pauline. Je te laisse peut-être nous le présenter avant de le lancer ou après ? Après. Après, et ben on lance ce morceau. À tout de suite. I write my diaries to remember my memories. I make blueberry ink so I can write my diaries to remember my memories. Diary. Robinson's diary. He was shipwrecked on a deserted island. He's alone on a deserted island. Everybody died on the ship. He's alone on the island. Everybody died on the ship. He's alone on the island. Everybody died on the ship, he's alone on the island. Everybody died on the ship, he's alone on the island. Why? Providence leads to death its own creatures. Why? Providence leads to death its own creatures. Why? Providence leads to death its own creatures. Why? Providence leads to death its own creatures. I'm alone. But I'm alive, I'm alive, I'm alive. But I'm alone, I'm alone, I'm alone. But I'm alive, I'm alive, I'm alive. Shipwrecked on a deserted island, he's alone on a deserted island. Oh, Robinson called this island the island of despair. He's alone, he's alone. He's alone, he's alone, he's alone. He's alone, he's alone. He's alone, he's alone. Et donc on démarre cette émission avec un retour sur le Cartoon Movie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet événement, c'est un des événements, on va dire, majeurs du côté investissement du cinéma d'animation, puisque c'est un endroit où les producteurs et auteurs viennent présenter leur projet de long métrage à venir à des diffuseurs et des distributeurs dans l'espoir de les financer. Et Marie-Pauline et Nicolas, pour démarrer, est-ce que vous avez un petit retour global déjà sur cette édition, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a... Bah alors, avant de parler des tendances du Cartoon Movie, je vais parler de la chanson qu'on vient d'écouter, puisqu'elle est directement liée au Cartoon Movie, puisque c'était The Island d'Alexandru Balanescu, qui va faire toute la bande-son du film The Island, puisque c'est une comédie musicale tirée de cet opéra. C'est ça. C'était à l'origine d'ailleurs quelque chose qu'il avait mis en scène à l'opéra, et donc c'est vraiment fait pour être mis en scène au théâtre, et que donc Anka Damian a pu reprendre pour la bande originale et pour en faire un film. Alexander Balanescu d'ailleurs, que certains connaissent peut-être parce qu'il avait fait aussi la musique des films de Film L'Œil et de Hippopotamie, donc merveilleux court métrage. Non Nicolas, on ne relancera pas le débat. Alors pour parler du cartoon, c'est un moment qui est effectivement hyper important dans la vie des films. Ça peut paraître très commercial entre guillemets, puisque c'est un moment où on parle d'argent, combien coûtent les films, combien de temps on va mettre pour les faire, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours assez passionnant pour nous d'y aller, puisque ça nous permet de, comme tu dis, de voir un peu des tendances, de voir les films qui vont se faire, les films qui sont presque terminés. On voit aussi l'évolution, parce que Nicolas, qui va depuis très longtemps, voit les projets revenir d'année en année. Et d'abord, ils sont en concept, et puis après, ils sont en développement, ils finissent en production, et ah, ça y est, ils sont finis. Parfois, on les voit réapparaître 5 ans après. Oui, ça peut être très long. Certains ne réapparaissent pas, malheureusement. Donc, c'est un moment important et intéressant. Et on se disait avec Nicolas que cette année, c'était forcément beaucoup moins sympa, puisqu'on était tous, chacun chez nous, dans notre canapé, en train de regarder les projets. Et que c'est pas du tout la même chose que d'être au milieu de ce petit monde de l'animation qui, certes, vient présenter des projets, mais aussi il y a tout ce qui se passe à côté. Il y a toute cette effervescence où on prend le pouls vraiment du monde de l'animation à ce moment-là. Et de l'animation donc européenne, mais même rien qu'avec l'animation. animation européenne de long métrage, puisque le Cartoon Movie, c'est vraiment pour le long métrage. Il y a quand même plus de 900 personnes qui sont réunies dans un même lieu, qui normalement est le Palais des Congrès à Bordeaux. Et évidemment, ici, chacun chez soi, c'était pas du tout la même chose. On n'entendait plus les uns et les autres parler des discussions un petit peu à droite et à gauche. Et évidemment, il y a des gens qui ne présentent pas de projet, mais qui peuvent en avoir aussi, et avec qui on peut parler. Donc finalement, comme tu dis, on prend vraiment le pouls de l'animation, le pouls du cinéma d'animation. Et même si, évidemment, les uns et les autres parlent de financement, de budget, etc., souvent, c'est ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire qu'entre le temps de fabrication prévisionnelle du film et le temps réel de fabrication du film, il y a toujours un énorme écart. Mais les films peuvent revenir, les budgets peuvent changer, les histoires peuvent changer, on voit un petit peu l'évolution et surtout, on entend les gens parler, on est au milieu de tout le monde et ça manquait cruellement cette année. Cette année, chacun devant son écran, on a juste vu des pitchs passer et souvent des pitchs passés, mais qui n'ont pas du tout... la même, on va dire, ampleur que quand on est face aux gens et que les gens les présentent eux-mêmes. Il y a quelque chose de plus fade aussi, justement. Même si certains ont essayé de faire des montages amusants, souvent ça paraissait un petit peu longué et moins intéressant. Donc vivement, peut-être l'année prochaine, le retour au présentiel. Très bien. Et du coup, est-ce que vous voulez qu'on démarre peut-être sur des projets que vous avez repérés et dont vous avez envie de nous parler Bon, on s'est dit avec Nicolas qu'il y avait comme ça un certain nombre de thèmes qui nous semblaient revenir dans tous ces projets. Alors pour donner des chiffres, je crois qu'il y avait 55 projets qui étaient présentés cette année, dont 28 français. Plus de la moitié des films quand même qui sont produits ou coproduits par la France. Il faut aussi penser que c'est aussi un forum de coproduction et donc en fait ils insistent sur le côté coproduction, c'est vraiment pour faire des échanges entre les pays et la France coproduit plus de la moitié des titres. Et donc parmi ces thèmes qui revenaient beaucoup cette année, et j'ai l'impression que c'est un thème qui on avait déjà vu aborder, puisque c'est, en gros on a appelé ça un peu les enfants en voyage, mais c'est un peu plus que les enfants en voyage, c'est beaucoup d'histoires d'exil, d'enfants qui sont jetés sur les routes par la guerre la plupart du temps. Et non, vous ne rêvez pas, ça nous rappelle quand même le titre d'un long métrage qu'on attend depuis très longtemps et qu'on espère voir cette année, qui s'appelle La Traversée de Florence Mihail. Et moi j'ai eu un peu l'impression comme ça qu'il y avait tout un faisceau de films qui arrivaient et qui avaient envie de nous raconter un peu les mêmes histoires. Alors c'est pas du tout pour dire que copie ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est un sujet qui est suffisamment grave, important et prégnant encore à notre époque pour remettre un peu le couvert, surtout que ça se passe pas forcément dans les mêmes lieux, parfois c'est imaginaire, parfois ce n'est plus ancré dans la réalité. Mais voilà, on s'était fait cette réflexion, et parmi ces films, il y avait alors notamment... il y en a trop. Il y a un film qui s'appelle Shadow, donc c'est Les Ombres, de Nadia Miko, qui est tiré d'une bande dessinée qui avant était, il me semble, une pièce de théâtre. Voilà, c'était une pièce de théâtre et ensuite une bande dessinée signée Hippolyte et Zabu, j'ai retrouvé mes notes. Et c'est un conte sur le déracinement, donc c'est une fillette qui est jetée dans l'exil avec son frère. Et voilà, elle va rencontrer un ogre capitaliste, un serpent passeur, des sirènes, etc. Donc ce projet qui nous était présenté donc, par la réalisatrice Nadia Miko et qui est produit par Autour de Minuit, nous dit qu'ils veulent absolument éviter tout réalisme. En fait, ils veulent vraiment aller vers la fable pour raconter quelque chose qui soit tout à fait universel et qui essaye de réinventer ce qui avait déjà été fait, puisque dans la BD, par exemple, les personnages portaient des masques. Donc là, cette fois-ci, ils auront des visages, etc. Donc c'est pas une adaptation, j'ai envie de dire, case pour case. C'est vraiment quelque chose qui va plus loin. Et c'est un film qui nous est annoncé comme familial à partir de 8 ans. Donc voilà. Et pour l'anecdote aussi, le Cartoon Movie n'a pas du tout vocation à décerner des prix, mais depuis 3 ans maintenant, je crois, ils en décernent un quand même, qui a un prix à la coproduction et qui est donc il y a un jury et ils donnent 20 000 euros pour la coproduction et c'est Les Ombres qui l'a obtenu cette année justement. Donc pour trouver un financement, une coproduction pour pouvoir monter le film. Donc on voit bien qu'on est dans un forum de coproduction. Voilà, alors un autre projet qui se rapprochait, en tout cas, qui moi tout de suite a fait écho pour moi avec celui-ci, c'est le film Les oiseaux ne se retournent pas, Birds Don't Look Back, de Nadia Nakley, qui raconte cette fois-ci l'histoire d'une jeune fille orpheline qui est contrainte, elle aussi, de fuir la guerre. Ça, c'est un film qui est produit par Sébastien Onomo. D'accord, des films d'ici. Et puis le troisième film aussi, qui était vraiment un petit peu dans le même état d'esprit, on va dire, c'est un film qu'on avait déjà vu présenter l'année dernière, je crois qu'il était en concept, et donc il passe cette fois-ci en développement, me trompe peut-être, peut-être qu'il était en production, mais bon, c'est pas trop grave. C'est Mariam et Varto de Gorun Aprikian et Alexandre Eboyan, qui est produit ou coproduit par Tchak notamment, donc grande société française du nord de la France, et qui parle justement d'enfants aussi en Arménie qui sont un petit peu laissés et qui doivent arriver jusqu'en France, justement. Donc on a toujours cette idée de traverser, justement, et d'un quelque chose ici, par contre, qui est beaucoup plus réaliste. Et je me posais la question, là vous aviez donc vous aviez uniquement les présentations, vous avez à aucun moment eu du coup l'occasion d'échanger avec les auteurs Non. Disons qu'après il y a aussi toujours des, comme ils appellent les Q&A, donc des questions-réponses donc qui peuvent être organisées, mais souvent c'est plus les producteurs qui vont voir les auteurs, et alors que d'habitude c'est beaucoup plus, on va dire, informel et que c'est très facile de croiser les auteurs dans les couloirs, cette fois-ci c'était en ligne avec quelque chose comme des rendez-vous, et c'est pas quelque chose qu'on a forcément fait, donc on n'a pas vraiment échangé non plus, alors que d'habitude c'est plus simple. Oui, et j'avais envie de parler, puisqu'on en a parlé en préambule, du film de Anka Damian, bien sûr, The Island, là, qui n'est plus un projet, puisque le film existe et on espère le voir très très bientôt. Alors, ce n'est pas des enfants là, qui sont jetés sur les routes, mais le film quand même parle des réfugiés, puisque c'est presque le point de vue inverse. Hein. C'est une sorte de Robinsonade avec un personnage qui s'isole volontairement sur une île déserte et qui voit un bateau s'échouer, et donc... Vendredi est le seul à être sauvé, et j'ai vraiment l'impression que voilà, cette année l'actualité est rentrée de plein fouet là dans les projets avec ces questions de réfugiés. On avait aussi parlé avec Nicolas d'un projet dont on peut pas vous dire grand chose, mais qui est aussi des enfants qui fuient le franquisme. C'était un projet donc espagnol, évidemment. Qui s'appelle Winnipeg Seeds of Hope, de Elio Quiroga et Beniat Betia. Et qui ne parle pas du tout de Canada, d'ailleurs il n'est pas coproduit par le Canada non plus, malgré son titre. C'est vraiment un enfant, une fille et son père qui est veuf justement, qui doivent fuir le franquisme, éviter les camps évidemment dans les Pyrénées et aller en France, et avec l'espoir de pouvoir prendre le bateau pour pouvoir fuir sur un autre continent en 1939. Yes. Nicolas, je te laisse enchaîner, parce que tu avais repéré, toi, alors sur des projets que je n'ai pas vu, qu'il y avait beaucoup de stop-motion cette année. Oui, alors il y avait notamment plusieurs projets particulièrement intéressants, je pense, en stop-motion. J'en ai repéré notamment trois, et d'ailleurs, ces projets, pas tous, peuvent rejoindre aussi d'autres thématiques, donc on va peut-être faire une thématique un peu large, mais par exemple, au niveau des projets en stop-motion, il y avait un projet qui était déjà présenté l'année dernière et qui était très intéressant, de Stefano Bessoni, qui s'appelle The Inexact Sciences. Et donc en fait, on est vraiment ici dans des marionnettes qui ont, entre guillemets, qui portent en elles une âme, on va dire, c'est-à-dire pas des marionnettes à la Kubo ou autre, qui sont tellement lisses qu'on dirait vraiment de la CGI, mais vraiment des marionnettes qui portent quelque chose sur elles. Et en fait, Stefano Bessoni, c'est quelqu'un qui est très inspiré, notamment, et ça se sent quand on voit ces marionnettes, par Jan Zankmeyer, par les frères Coen notamment, et qui, d'ailleurs, son film parle d'un cabinet de curiosité dans lesquels une petite fille va aller et découvrir pas mal de choses. Les cabinets de curiosité, ce sont ces endroits, notamment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, dans lesquels on collectionnait énormément d'objets divers et variés, très très étranges et très particuliers. Et ça rappelle aussi évidemment un petit peu les cabinets que peuvent avoir, enfin les studios que peuvent avoir certains animateurs en stop motion, justement, qui ont un bric-à-brac absolument partout qui leur sert à additionner des objets pour pouvoir créer des marionnettes. Et lui va raconter une histoire, par contre, qui pourrait être extrêmement horrifique et qui va d'ailleurs faire peut-être un petit peu peur, il le dit lui-même, mais malgré tout qui tire un petit peu sur un côté, on va dire, burtonien, donc un petit peu plus gentil quand même et un petit peu plus sage, peut-être justement pour une volonté de pouvoir être produit aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste assez intéressant. Et plus adulte, toujours en stop motion, mais pas que en stop motion, avec des éléments hybrides, il y a surtout le projet qui me paraît très très intéressant, et on verra en 2025, parce qu'il prévoit une sortie en 2025, de Jiří Bárta. Alors Jiří Bárta, qui est l'un des très grands cinéastes d'animation tchèque, dont on parle un petit peu moins que les autres, mais il doit avoir un peu plus de 70 ans maintenant, il tourne depuis les années 70. Il a fait notamment Le joueur de flûte d'Hamelin, qui est probablement l'un de ses chefs-d'œuvre et encore d'autres films. Et là, il revient sur, avec le golem. Et le golem, c'est une histoire qu'il porte depuis longtemps parce que sur YouTube, on trouve une vidéo de lui qui date de 2007 où en fait, il montre déjà quelque chose qui serait les prémices d'une adaptation justement de cette histoire du golem. Mais là, il a enfin peut-être un scénario, un producteur. Donc, c'est produit par, la République tchèque. Et en fait, il déplace l'histoire du golem dans le Prague des années 50, donc en période communiste. Et donc, en gros, on aura le golem pris dans la période communiste et donc on aura vraiment une thématique là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans les années 50, en 51, on avait une adaptation du golem déjà en prise de vue réelle par Martin Frick et dans lequel Jiří Trnka avait fait les décors. Donc, on retrouve quand même toujours une tradition vraiment tchèque liée un petit peu aux animateurs. Par contre, cette histoire-là, dans cette histoire-là, il retrouve l'idée que le golem était déjà et travaillait comme servant dans un hôtel dans les années 20 qu'il a donc un peu disparu, il est resté stable et lui c'est un mathématicien, c'est un étudiant mathématique qui avec une formule mathématique va redonner vie au golem, mais le golem ne va pas être juste servant loyal mais il va essayer de prendre le contrôle un petit peu sur tout et donc on risque d'avoir encore une belle métaphore politique mais avec des techniques complètement hybrides en plus, donc là ça peut être pas mal. Et le troisième projet en stop motion c'est celui donc de Sarah Vandenboom qui s'appelle Séraphine qui est là une adaptation de Marie Desplechin qu'on connaît pour ce qu'elle a fait avec notamment Florence Mihail, puisqu'elle a participé au scénario de la plupart des films de Florence Mihail, dont La Traversée, et qui était déjà en tant que scénariste de Verte, qui avait été présenté au Cartoon Movie l'année dernière. Et là, c'est un roman qui s'appelle Séraphine, qui est le deuxième tome d'une trilogie sur les femmes, notamment au 19e siècle, qu'elle a pu écrire justement toujours à l'école des loisirs. Et on suit une petite fille de 13 ans, justement, qui cherche un petit peu à s'émanciper dans Paris des années 1880, qui est encore très très marquée par la Commune. Et donc on va avoir aussi justement quelque chose comme une petite fille forte dans le Montmartre des années 80. Alors, il faut juste espérer que ce soit pas comme Dilili, qui reprend un petit peu ces mêmes thématiques, mais les premières images, en tout cas, donnent bien envie. Il y a un ancrage politique fort dans le film, ou c'est en toile de fond plutôt Je pense qu'il y a un ancrage politique assez fort. Enfin, en tout cas, l'histoire de la Commune était quand même assez évoquée dans le pitch. Le fait que ce soit derrière et le fait qu'on soit dans une période de libération, d'émancipation, de prise de pouvoir, on va dire, un petit peu par les femmes, etc. Et donc, je pense que c'est une manière aussi pour Sarah Vandenboom d'aborder les questions féministes. Oui, je crois qu'il y a l'histoire de cette petite fille donc, qui cherche son père, elle ne sait pas qui c'est, mais elle sait qu'il a participé à la Commune et potentiellement qu'il est mort pendant la Commune. Et d'après ce qui était expliqué, effectivement, il y aurait une sorte d'enquête comme ça qui permettrait de relier tous les personnages ayant connu cette époque et donc ayant été communards. Et Marie-Pauline, tu avais quelque chose à ajouter sur les films que nous a présentés Nicolas ? Non, pour moi c'est bon pour Stop Mo. Et ben on va marquer une petite pause avec un album qu'on est au moins deux à beaucoup aimer autour de cette table. Je sais que Alexis qui nous écoute a priori aussi, c'est évidemment le nouvel album de Rhône, donc avec un titre qui est en collaboration avec Dominique A, puisque c'est un album de duo, enfin pas uniquement duo, mais en tout cas de collaboration sur chaque titre, qui s'appelle Rhône and Friends. Et on écoute tout de suite le titre avec Dominique A, qui s'appelle Allérance. Point de fixité. d'autres îles, sur des flots peu causants, vers la terre intranquille. Si tu te défiles, tiens-nous au courant. À l'errance, en charge des nuées, tout au bout des histoires. Des mains tenues serrées, et puis des mains lâchées, et les plaintes sans nombre, et les noms poursuivis, sans trêve, seconde après seconde, le temps d'une vie, tous les noms poursuivis. Chassé dans un rêve où l'espoir se replie, seconde après seconde, dans l'errance infinie, où jamais ne succombe l'amour. Je confirme qu'Alexis nous écoute puisqu'il me dit de préciser évidemment que le concert de Rhône and Friends au Châtelet est disponible sur le site d'Arte. Vous pouvez donc aller le voir, c'est un super concert. Il y a d'ailleurs des titres qui ne sont pas seulement sur cet album, il y a notamment Quitter la ville qui est aussi un superbe duo et qui est, enfin voilà, c'est un superbe spectacle, donc on vous conseille d'aller le voir. Et voilà, c'est un album très très fort pour vous, si je peux vous encourager à aller écouter des titres. Il y a un titre avec notamment Yael Naïm qui est juste incroyable, qui est une espèce de cocon musical. Il y a un titre d'entrée avec O2N qu'on écoutera tout à l'heure sur un autre morceau, qui est un groupe de rap français qui est, voilà, qui est entre le rap et l'électro et qui est très très fort, qui sont des amis à Rhône. Et donc voilà, c'est plein de collaborations hyper intéressantes parce que viennent se mixer notamment les voix avec sa musique. Et pour le coup, moi, c'était quelque chose avec lequel j'étais un peu sceptique à la base, parce que c'est quand même un musicien qui crée de longues nappes sonores, essentiellement instrumentales, et c'était une bonne surprise, hein, en fait, ces ajouts de voix. Je vous laisse nous présenter un autre thème que vous avez remarqué. Alors, au cartoon. On va dire, j'ai continué un petit peu, mais avec du fantastic horror, justement, qui est quand même une thématique assez récurrente, même si justement déjà avec Stefano Bessoni, Iri Barta, on est déjà un petit peu dans ce côté-là. Toujours un peu d'ailleurs dans le côté, on va dire, tchèque, Europe centrale aussi, il y a un film, alors français, donc on va dire, mais pourquoi tchèque ? C'est un film de Catherine Maximoff qui s'appelle La guerre des salamandres. Alors, Catherine Maximoff qui ne vient pas de l'animation et qui l'a fait son premier long métrage animé avec les contes modernes, et c'est une adaptation d'un roman tchèque et d'un des plus grands auteurs tchèques qui est pas forcément très connu en France, ou alors indirectement, qui s'appelle Karel Čapek. Alors je ne sais pas si je prononce correctement son nom, mais en tout cas Karel Čapek est connu surtout pour être l'inventeur du mot robot, qui a apparu dans les années 20 dans une de ses pièces de théâtre. Et Karel Čapek est un grand écrivain de science-fiction, horreur, etc., et un écrivain assez noir, assez sombre, avec quelque chose qui est très ironique. Et dans La guerre des salamandres, justement, Il l'évoque évidemment avec une métaphore, puisque ce sont des salamandres qui prennent le contrôle du monde. La montée du national-socialisme, c'est un roman qui a été écrit en 1936, donc avant l'arrivée au pouvoir, et des nazis, et donc elle qui prennent plutôt le contrôle du monde. On a aussi évidemment des éléments complètement dystopiques là-dedans, et on évoque aussi quelque chose dans le livre, en tout cas comme La Pague du Gain, etc. C'est un roman qui a été déjà mis en scène par exemple au théâtre 2018 par Robin Renucci, et qui là donc va être adapté en animation. Et alors par contre, la seule petite inquiétude que j'ai par rapport au roman, et c'est quelque chose qui pourrait inquiéter pour plusieurs projets, c'est qu'on se demande si il n'y a pas une volonté de faire quelque chose à chaque fois de trop familial, et donc de rabaisser un petit peu le côté un petit peu noir, sombre, et vraiment des ouvrages, puisque là on va mettre en scène une petite fille qui s'appelle Juliette, qui a 11 ans et qui trouve une salamandre mourante qui devient amie avec, et la salamandre qui va lui évoquer qu'il lui dire tout ce qui va se passer. Et donc on a ce côté où on remet en scène toujours un enfant au premier plan qui normalement n'apparaît pas, ou en tout cas qui n'apparaît pas nécessairement comme ça à l'origine, mais bon. Et autre film qui lui par contre rentre vraiment dans l'horreur adulte, c'est la production Folimage. Alors Folimage qui n'est pas toujours connu pour ses productions adultes, mais qui là va faire un film omnibus avec 6 courts-métrages. Et 6 courts-métrages donc d'un cinéaste qui lui a déjà fait des films d'horreur, notamment qui s'appelle Isu 3, et avec aussi d'autres cinéastes qu'on ne connaît pas forcément pour l'horreur, mais il y aura par exemple un court-métrage de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol. On est très curieux de les voir justement faire un film justement horrifique. Qui sont déjà des gros habitués du film de genre quand même. Oui. Et Isu 3 va être a priori aussi le directeur artistique de la collection. Ouais. Ok, oui, collection qui s'appelle L'étrange collection d'ailleurs, j'ai pas précisé le titre. Et en même temps, c'est d'ailleurs coproduit par les films du Tambour de Soie qui se mettent de plus en plus à l'animation, puisqu'ils viennent de faire. Ils ont fait Jasmine et ils font en ce moment en coproduction le nouveau film d'Alain Huguetto, Interdit aux chiens et aux Italiens. Et il y aura aussi comme réalisateur dans cette collection, Efang Wei, réalisatrice qui est aussi, elle, très intéressante et qui a fait des films un peu assez barrés justement par moment, notamment son tout dernier court-métrage coproduit en Estonie, qu'on est curieux de voir dans le film d'horreur, et d'autres cinéastes moins connus, par exemple comme Benoît Razi, qui n'a rien réalisé apparemment depuis 2005, mais qui est vraiment dans toutes les productions Folimage depuis cette date-là aussi, et Morten Risberg Hansen, qui pareil fait partie de l'écurie Folimage, mais qui n'a pour le moment rien réalisé non plus. Oui, qui était dans Efang et Morten étaient sur les précédents films de Isu, comme technicien, donc je pense que l'envie a dû venir de là aussi. Donc, je laisse Marie-Pauline continuer. Et ben moi je vais enchaîner alors avec des films. Là, on n'est pas tout à fait dans le fantastique horreur, mais on est plus carrément dans la science-fiction, et notamment un projet qui s'appelle Arco, qui est porté par Hugo Bienvenu et Félix de Givry. C'est un film qui se passe au départ en 2932, donc dans très très longtemps. Et c'est assez chouette parce que c'est une époque où les gens vivent dans des sortes de terrasses dans l'espace, parce qu'ils ont quitté la Terre pour la laisser se régénérer. La Terre, comme ça, c'est un motif qui revient dans beaucoup de films. Voilà, là, on a trop pollué, on a fait tout ce que vous savez déjà, et donc la Terre n'est plus vivable. Et donc ces personnes ont trouvé une manière de vivre dans l'espace, et c'est une époque où tout se passe bien. En fait, les gens sont plutôt heureux. C'est la vision d'un monde possible où tout à coup les choses marcheraient. C'est un espoir d'un monde meilleur. Donc tout ça, c'est assez chouette, surtout que les personnages qui vivent en 2932 voyagent dans le temps à travers les arcs-en-ciel. Donc rien que ça, ça donne assez envie. Après, pour raconter un tout petit peu le pitch, c'est Arco, ce personnage, donc qui va voyager pour la première fois à travers les arcs-en-ciel et qui va un petit peu se tromper parce qu'il ne sait pas très bien faire, et qui atterrit en 2075, donc un futur un peu moins lointain, où notre époque est arrivée à son paroxysme, donc le numérique à fond, avec des hologrammes, des robots qui s'occupent des enfants à la place des parents qui n'ont pas le temps, des lunettes de réalité virtuelle qu'on ne quitte plus. Et Arco va découvrir cette époque à côté d'une petite fille qui vit à cette époque l'époque et qui s'appelle Iris et qui, elle aime pas trop tout ce qui est numérique et tout ça. Donc l'enjeu, vous l'imaginez bien, ça va être d'aider Arco à rentrer dans son époque. Donc ça nous fait penser à des choses. Alors là, on est quand même dans une certaine filiation, on pense à E.T. et tout ça. Et voilà, alors je ne sais pas, c'est toujours difficile de juger d'un projet. On a l'impression qu'il y a un vrai univers. En tout cas, moi, cet univers de là, du 2900 et quelques, ça donne vraiment très très envie. Je suis un petit peu plus sceptique sur l'époque de 2075 qui parle en même temps de notre époque et surtout sur l'histoire qui reste assez classique. Mais voilà, je ne sais pas, il y a une ambition qui est là, il y a des envies qui sont là. On va voir ce que ça donne, mais par contre, ça rejoint complètement ce que disait Nicolas sur ce fait de toujours ancrer les récits quand même à hauteur d'enfants, puisque là, ce sont deux enfants qui vont faire ce chemin et puis probablement tomber amoureux. Voilà, on est dans quelque chose qui est quand même un petit peu formaté pour le public, on va dire, familial. Dans un autre ordre d'esprit, alors là, je continue dans la science-fiction. Mais surtout dans l'écologie, parce que c'est un autre thème qui est quand même très très présent dans ce cartoon, et pour cause. C'est un film qu'on avait déjà vu aussi qui s'appelle White Plastic Sky, qui est un film hongrois. Et alors, je vais essayer de vous dire les noms des réalisateurs, du réalisateur qui s'appelle Tibor Banowski et de la réalisatrice qui s'appelle Sarolta Szabo. J'espère que je ne l'ai pas trop mal prononcé, m'excuseront. Et donc là, c'est un film qui est quand même beaucoup plus ancré pour le coup dans une cible adulte et jeune adulte. Voilà, c'est un peu le cran au-dessus. On est dans un monde, une fois encore, dans lequel la nature s'est éteinte. Donc c'est un peu l'idée de nous projeter dans le futur de l'humanité. La nature s'est éteinte et on ne peut plus rien faire pousser, ce qui n'est pas très pratique pour se nourrir. Et donc à cette époque-là, on implante les graines dans les êtres humains, qui sont le seul endroit où on peut cultiver des plantes. Donc en gros, à partir d'un certain âge, tous les êtres humains doivent faire le sacrifice d'eux-mêmes pour aller servir de culture pour faire pousser les plantes. Voilà, donc en même temps, c'est comme le disent très joliment les réalisateurs, l'idée c'est d'implanter des graines dans le spectateur pour le faire réfléchir et peut-être évoluer. Et voilà, le film questionne la responsabilité de chacun. Quel sens peut avoir la vie dans un monde où la nature est détruite, où on a tout cassé? Voilà, c'est un scénario assez sombre là, cette fois-ci, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et en même temps, c'est assez sombre, et sans vous dévoiler tout ça, ça va quand même vers l'idée peut-être d'une nouvelle forme de vie, et peut-être d'une évolution de l'humanité, puisque le vivre dans ce monde-là paraît devenu vraiment trop compliqué. Et alors c'est un film qui est très très beau, en tout cas il y a un travail sur les décors, des décors texturés, il s'inspire beaucoup de photos, on voit des immeubles complètement en ruine, il y a un désert, c'est post-apocalyptique et c'est assez grandiose. Les personnages, eux, sont rotoscopés, donc ça détonne un peu, mais encore une fois, il faut voir ce que donne le film. En tout cas, c'est un film que je trouve extrêmement ambitieux et à contre-courant de la plupart des projets qu'on a vus là. Déjà parce que c'est des personnages adultes, dans un monde qui ne peut plus être sauvé en l'état dans lequel il est. C'est extrêmement sombre. Et voilà, c'est dans une lignée de toute une lignée de science-fiction qui ne veut pas systématiquement finir avec des happy ends. Et dans le côté un peu, alors pas exactement science-fiction, on est entre science-fiction, aventure, horreur, et évidemment, coproduit là encore par Autour de minuit et des Canadiens, on a le long métrage de deux personnes qu'on connaît très bien ici, donc Chris Lavis et Maciek Czerwowski, qui pour une fois, donc en tout cas cette fois, ne vont pas vers la stop-motion, alors qu'on s'attendait vraiment à un film en stop-motion. Ils ont créé les marionnettes de leurs personnages aussi, qu'ils ont ensuite numérisées, mais on va vers de la CGI avec justement de l'animation en images de synthèse, avec rendu 2D ou parfois même rendu 3D, et en fait ils expliquent justement que là aussi on est dans l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans une forêt avec d'autres petits personnages, etc. Et toujours une magnifique musique de Patrick Watson. Mais on a un côté aussi encore film vraiment familial, fait pour les enfants, même s'il peut être lui-même assez sombre et assez peut-être difficile par moment, mais vraiment à destination des enfants. Voilà, alors on a déjà parlé dans le cas d'Amian, et non, je n'ai pas oublié, mais on vous a parlé du film The Island, qui a lui aussi d'ailleurs une résonance écologique, puisqu'on y voit Mère Nature à l'intérieur. Mais non, je vais vous parler de son autre projet, parce que vous connaissez Anka, une fois qu'elle a fini un film, elle en a déjà commencé un nouveau, et on est à chaque fois, enfin je dois le dire, moi je suis à chaque fois bluffée et surexcitée à l'idée de découvrir ses nouveaux films. Donc elle avait là un projet qui me semble être en concept ou peut-être en développement, peu importe, qui s'appelle Starseed. Et donc la phrase un petit peu d'accroche de ce film, c'est: est-ce que la race humaine est capable de survivre à sa propre avidité? Donc je vous place tout de suite le décor. Et Anka, il file un peu comme ça l'idée que tous les êtres vivants font partie d'un grand tout, qu'il y a une grande conscience, qu'il y a, que la Terre et les êtres humains doivent vivre en osmose. Et le film va se passer en Afrique. Il raconte l'histoire d'une petite fille albinos qui, un jour, va rencontrer des extraterrestres qui lui annoncent qu'elle fait partie des leurs et qui sont venus en gros pour tester la Terre et que la Terre va avoir besoin d'être sauvée. Donc c'est un film dans lequel on va retrouver tout ce qu'on aime chez Anka Damian et en général. Donc, on va retrouver notamment la musique de Pablo Picot, on va retrouver sa directrice artistique de Marona, Gina Torstenson. Le scénario est écrit avec son fils, mais surtout on va retrouver du réalisme magique, des inspirations culturelles africaines qui vont venir se mêler à l'imagination débridée de la réalisatrice. Et on a vu quelques images, on a vu des êtres organiques, donc c'est le fameux extraterrestre qui ressemble à des akènes de pissenlit lumineux. Et alors, c'est absolument magnifique. Alors, j'imagine que quand on entend raconter ça comme ça, on se pose des questions. Et c'est vrai que ce serait n'importe qui d'autre à la réalisation, je serais inquiète. Mais là, je me dis que si quelqu'un peut réussir ce film et faire qu'à la fin, ce soit pas du tout mièvre ou pas du tout ridicule, mais juste beau et profond, je pense que c'est elle. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on a vraiment hâte de voir ce film. Et alors, peut-être pour continuer un petit peu là-dedans, même si c'est pas exactement la même chose, on a aussi un autre film qui évoque des questions liées au réel et au fantastique, ou à quelque chose de fantastique, comme par exemple My Grandfather's Demon, donc les démons de mon grand-père, de Nuno Beato, donc film portugais qui est particulièrement intéressant pour moi, qu'on avait déjà vu présenter, et qui évoque une femme qui est prise dans son quotidien dans une grande ville, qui doit retourner, son grand-père étant décédé, là d'où il vient, c'était un tout petit village perdu au fin fond du Portugal, et en fait son grand-père lui a laissé une lettre avec une mission à accomplir, et elle se retrouve un petit peu dans un univers un peu fantastique, avec des petits personnages en argile, etc. Et le film mélange justement au début du dessin animé un peu traditionnel, et ensuite là aussi de la stop motion, justement, on retrouve un petit peu le côté stop motion. Et je sais pas si on a encore un tout petit peu de temps. Donc on va aller en 2 minutes. Il y aurait un dernier thème que j'aimerais aussi pouvoir aborder en 2 minutes. C'est quand même qu'il y a aussi une forte présence cette année, et on les citera pas tous, de films qui ont un très fort ancrage dans le réel et qui sont pas nécessairement pour les adultes, même si c'est souvent des films qui sont plutôt ado-adultes. Là-dedans, on trouve par exemple Soria, le nouveau film de Denis Do, qui va s'intéresser au Cambodge, mais non pas en parlant des Khmers, comme dans Funan, voilà pour une fois, et en parlant de la musique et d'une fille de 17 ans justement qui se découvre être une chanteuse exceptionnelle et qui part vers un peu quelque chose comme la gloire. Ouais, c'est un film sur la jeunesse cambodgienne mais de nos jours, donc c'est un film actuel, et enfin moi c'est aussi un projet qui m'intrigue beaucoup parce que on sent qu'on a un vrai ancrage, l'envie de parler d'un pays et de ne pas en parler comme on en parle toujours sous un coup soit exotique, soit de l'histoire historique. Mais là, vraiment, une jeune fille de nos jours au Cambodge, comment elle vit, quelles sont ses aspirations, avec une forte influence de la musique des années 60 cambodgienne. Et c'est un film qui est assez excitant sur le papier. Et peut-être un dernier film, c'est Jungle Rouge, dont j'avais déjà vu un pitch il y a maintenant là aussi 5 ans. C'est le genre de film dont on se demande si ils verront le jour et si on les reverra notamment en cartoon aussi. Et là, c'est le cas, il est en production. C'est un film de Juan José Lozano et Zoltán Horváth. Zoltán Horváth qui était un peu connu notamment pour ces quelques courts-métrages qu'il a fait dans les 90, début 2000, et qu'on voit plus dans les productions maintenant. Il travaille beaucoup avec Nadasdi Film, et là, c'est coproduit par Nadasdi, par Dolce Vita, qui n'a pas l'habitude de faire des films d'animation, et par Tchak, notamment. Et là, il évoque justement les FARC, avec donc en Colombie, le numéro 2 des FARC qui est mort à cause d'un largage de bombes sur un camp par la CIA. Et en fait, ils ont redécouvert son ordinateur avec plein de lettres de correspondance qui étaient dedans. Et en fait, ils se sont inspirés de ces lettres pour essayer de rentrer dans l'esprit de cet homme complètement malade et sanguinaire. Voilà. Donc, et ça, il y a encore pas mal d'autres projets qui sont vraiment très ancrés dans ce côté réel. Et je me demandais, parce que vous disiez que vous aviez quand même eu du mal à avoir des discussions avec les producteurs et les gens qui présentaient les projets, mais je me demandais s'il y avait quand même une tendance du fait un petit peu de la situation là, des cinémas sur les budgets, par exemple, des films, ou si vous aviez repéré des choses de ce côté-là, ou pas particulièrement. Moi, je vois toujours à peu près la même chose que d'habitude. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui ait vraiment changé par rapport au budget. Souvent, on est quand même dans une dans des films d'animation qui sont présentés. En tout cas, ceux qu'on va voir, parce qu'évidemment, on ne voit pas non plus tous les 55 projets présentés en général, mais qui sont plus des films d'auteur et qui ont des budgets qui sont souvent inférieurs, en tout cas, à 6 millions d'euros. Mmh. 6 millions d'euros, ça paraît déjà assez important comme budget pour les films présentés au Cartoon Movie, par exemple. On tourne beaucoup autour de 2-4 millions d'euros pour moi. Après, évidemment, il y a toujours des exceptions et des films qui vont coûter beaucoup plus cher et qui demandent 10 millions d'euros. Mais ça reste pour moi plus exceptionnel. Eh ben, merci beaucoup pour ce retour. Alors, en plus, on a évoqué pour finir La Jungle Rouge, dont une partie de la direction artistique a été assurée par Bastien Duprier, qui est un des invités de la deuxième partie. On va passer un morceau de Mansfield Tia avec O2N, groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Et Mansfield Tia vient de sortir un album qui est incroyable. Donc c'est deux femmes, une chanteuse et une violoniste qui forment un duo qui de chansons françaises assez improbables, qui naviguent entre plein de genres différents. Ça va de l'électro à la pop. Il y a beaucoup de choses à la voix, a cappella. Il y a évidemment pas mal de cordes du fait de la présence d'une violoniste. Voilà, là c'est un morceau plus électro avec O2N. On écoute ça tout de suite. Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux. Ici et dans ma tombe, quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe, c'est garanti son style. Un paquet dans ma poche, j'arriverai bien à temps. Où sont passés mes proches? Je traîne mes pompes en avant. À gauche ils baratinent, à droite ils ont plus de cœur. On dirait un bal de mort, une danse de mauvais goût. Des bouches sur une tétine, le dollar l'air en fou. Je veux pas jouer dans cette cour, funambule dans l'arène. Accroche-toi si tu le peux, demande pas de rendez-vous. Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux. Je sais bien que tu trouves ça triste, mais moi je vois dans tes yeux la roue tourne dans le vide. Quand tes silences se font trop longs, je me le vide tourne comme une roue. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Accroche-toi si tu le peux, tes rêves en voyou. Plus vite qu'une Ferrari, plus loin qu'une belle villa. Un jour on se dira tout, et on verra que c'est rien. La vie pour rendez-vous, un beau cœur clarifié, et c'est à peu près tout. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe. Sans un doute, sans un rêve, la vie s'achève. Où sont passés les vœux, tes rires sont chers. Ils valent plus que les bleus. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe, je sais ce que je veux. Dans le fond, c'est vivre encore. Je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. quand je dors. Voilà, donc Mansfield Tia avec O2N. On va vous faire un petit retour, enfin je vais vous faire, puisque je suis le seul autour de la table à avoir pu suivre le festival du film d'animation organisé par l'AFCA. Un petit retour sur le festival, déjà pour les remercier d'avoir réussi à mettre en place une programmation aussi riche en ligne, parce que c'était pas évident du tout, notamment avec des rencontres. Il y a eu de belles rencontres. Pour n'en citer que deux, du côté pro, il y a eu une rencontre autour de Eugène, donc un long métrage aussi à venir d'Anaïs Cora, qui est le prolongement d'une série qui s'appelle The Man Woman Case, qui était déjà super. J'espère qu'on pourra un jour accueillir Anaïs ici, parce que c'est une réalisatrice super intéressante. Vous pouvez retrouver la série d'ailleurs sur le site de France Télévisions, elle y est toujours. Il y avait aussi une rencontre animée par la SRF qui essaye de plus en plus de créer des événements, donc la Société des réalisateurs français, avec dont le département animation est dirigé en ce moment par Sébastien Lodenbach et Virgin Keaton, qui essaye de mettre en place de plus en plus d'événements, dont ici une conférence sur les frontières qui se deviennent de plus en plus floues entre la prise de vue continue et l'animation. Et à côté, il y avait évidemment une sélection de films toujours très riche de courts-métrages. C'est une grosse partie de la programmation du Festival de Rennes. Alors évidemment, c'est un festival qui arrive en début d'année et donc qui récupère pas mal de films dont on vous a déjà beaucoup parlé, donc je ne reviendrai pas, mais dessus en particulier, mais on a retrouvé Genius Loki d'Adrien Mérigeau, À la mer poussière d'Héloïse Ferlet, Homeless Home d'Alberto Vasquez, Souvenir Souvenir de Bastien Dubois, Jean de Marion en vin, enfin des films dont on a déjà parlé ici et qu'on aime beaucoup, qu'on vous recommande d'aller voir si vous avez encore l'occasion, vu que le festival dure encore ce week-end. Mais moi, je voulais m'attarder sur des films que j'ai découverts au festival. Donc, pour commencer, dans une sélection étudiante qui n'est pas toujours évidente à Rennes, c'est-à-dire que la sélection étudiante essaye de balayer sur quasiment toutes les écoles d'animation française, récupérant en beaucoup de films qui malheureusement souffrent un tout petit peu et de direction, enfin et d'un manque de rigueur dans la direction d'acteurs et parfois aussi juste de la comparaison, puisque les films étudiants sont présentés avec les films pro, donc parfois c'est un peu dur pour ces films étudiants d'exister. Néanmoins, il y a de beaux films qui étaient présents, outre À la mer poussière d'Héloïse Ferlet. Il y avait notamment un film que j'aime beaucoup qui sort des Gobelins, qui est assez surprenant d'ailleurs, sortant des Gobelins, qui s'appelle Mon ami qui brille dans la nuit, de Grégoire de Bernuit, Jawed Boudaoud, Simon Cadillac et Hélène Lédevin, et qui est un film qui parle de la rencontre entre un fantôme qui n'arrive pas à rejoindre les autres fantômes et un humain qui va essayer de l'aider à rejoindre ses amis fantômes, l'aider à passer dans l'au-delà. Et qui est un film très très fort dans la relation qu'il y a entre ces deux personnages, qui est assez fin et qui est plein de belles trouvailles, et notamment dans le jeu d'acteur, dans la direction qui a été mise en place. Enfin, c'est un film qui est très très juste de ce point de vue-là, ce qui n'est pas évident, encore une fois, de la part des Gobelins. Enfin, ce n'est pas forcément des films qu'on note pour cette partie-là. Et voilà, ça me semblait important de noter ce film. Je sais que Marie-Pauline, tu l'aimes beaucoup aussi. Ouais, je le trouve aussi super touchant et délicat. Et effectivement, tu parlais de la direction d'acteur, mais c'est hyper impressionnant parce que dans ce film-là, ça sonne tellement juste, le personnage qui fait l'humain vivant, et enfin je sais pas, il est désarmant, on a l'impression je sais pas comment expliquer tellement l'impression que j'ai eue. Je sais que je l'ai noté en voyant le film, qu'on avait vraiment l'impression que tout ce qu'il disait sonnait extraordinairement juste, et voilà, et vraiment c'est très joli, et c'est jamais mièvre, parce que ça pourrait être un peu mièvre, ou ça, ils ont pas non plus essayé de partir vers quelque chose qui serait un peu rigolo ou un peu à gag, même s'il y a des choses qui sont un peu légères. Enfin, vraiment, je trouve, ouais, effectivement, le film, c'est un film que je recommande. Dans les films étudiants dont je voulais vous parler aussi, il y a un film qui n'était pas en compétition, mais qui était en sélection What the Fuck. D'ailleurs, sélection What the Fuck qui était presque une des sélections les plus riches, je trouvais. Alors, très étonnamment, c'était pas si what the fuck que ça. En tout cas, on était presque plus sur une sélection expérimentale cette année. Donc, c'était intéressant. Moi, c'est une des sélections que j'ai préférées. Et donc, dedans, il y avait un film des Arts Déco de Yang Liu qui s'appelle Corpseland et qui est très déroutant. C'est une espèce d'enchaînement de séquences quasi abstraites, mais qui sont quand même extrêmement sensorielles parce qu'elles sont composées de bouts de corps qui interagissent entre eux, mais avec des rondes de mains, une accumulation comme ça de parties du corps filmées qui donne quelque chose de très déroutant et qui donne l'impression, avec des parties extérieures du corps, d'être à l'intérieur d'un corps. Et de traverser ce truc-là, de se faire presque toucher. Enfin, c'est un film très sensoriel, très intéressant pour ça. En sélection What the Fuck, il y avait également un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Étreinte d'Alain Escal, qui est un film très expérimental. Il est parti de Rush, qui lui restait d'un précédent projet, et qui met en scène deux hommes qui s'enlacent et qui au fur et à mesure s'enlacent de plus en plus fortement, presque se grattent. Et voilà, il y a quelque chose du corps très très fort aussi, et qui est mis en parallèle avec, dans le montage, des lieux qui sont juste filmés, qui sont des lieux modélisés en 3D, mais qui sont qui amènent des moments d'apaisement entre ces séquences où le rapport entre ces deux corps est de plus en plus violent, mais dans quelque chose qui est quand même un petit peu chorégraphique. Enfin, ça donne quelque chose de très très étonnant et qui est vraiment à voir. Je ne sais pas si le film est disponible en ligne, j'espère qu'il le sera bientôt. En sélection pro, il y a trois films dont je voulais vous parler. Il y a un documentaire animé que j'attendais depuis longtemps qui s'appelle Folie douce, folie dure de Marine Laclotte, qui est un film sur deux établissements psychiatriques. Et qui est donc où elle est allée faire des captations sonores. Elle a pris beaucoup de temps pour rentrer dans cet univers qui est vraiment particulier, en essayant de faire quelque chose qui est assez rare finalement, qui est de donner la parole plus aux habitants qu'aux soignants. Elle a essayé d'être très méfiante par rapport à ça et de pas du tout rentrer dans quelque chose qui est autour de l'aidant, mais qui est vraiment plus sur nous faire partager le quotidien de ces gens. Et qui est extrêmement attendrissant, très très fort. C'est un documentaire que je vous recommande vivement. Je vous recommande aussi le film Ce qui résonne dans le silence de Marine Blin. Pareil, j'espère qu'on l'aura bientôt avec nous. Le film est sur Arte, vous pouvez le voir en ligne, qui est sur une embaumeuse qui nous raconte comment elle en est venue à faire ce métier. Qui c'est pas, a priori pas un documentaire, en tout cas c'est... C'est un film qui est documenté, mais qui est une fiction. Et voilà, il y a plein de choses du cinéma de Marine Blin qu'on retrouve dedans. Il y a ce rapport à la mort qui est assez omniprésent et qu'elle traite avec beaucoup de charme, puisqu'elle n'a pas du tout un rapport dur, mais qui est quelque chose de un rapport très très doux. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux. Oui, moi je confirme, c'est un film effectivement qui est très sensible aussi, très touchant, et effectivement ça s'est raconté à la première personne, donc il y a quelque chose comme ça où c'est pas du tout le cas, mais on a l'impression presque d'une histoire vraie qui nous est racontée. Rien à ajouter, Nicolas. Et alors il y a un autre film en sélection pro dont je voulais vous parler qui s'appelle Throne of Pinnacles de Mathilde Parquet qui avait déjà fait des films très très intéressants, dont Louis, son film de Lemka, qui est un film très très fort, et qui revient avec un espèce de je sais pas si on peut parler de road trip en famille, enfin en tout cas il y a quelque chose de cet ordre là d'une famille qui est en train de se disloquer, et où on retrouve surtout des marqueurs de son cinéma que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a, une forme de fantastique qui fait que, voilà, à un moment, il y a des choses qui ne sont pas censées interagir entre elles, interagissent, il y a, sans spoiler le film, il y a quelque chose de fantastique, des conséquences à certains actes qui ne devraient pas arriver, et qui apportent une forme de poésie qui est très très forte et qui amène le propos sans forcément être quelque chose de très pompier. Enfin, je trouve qu'elle a une grosse délicatesse de ce point de vue-là. Tu l'as aussi vu, Marie-Pauline, le film? Oui, on l'avait vu. Il était notamment sélectionné à Clermont. Et c'est un film, effectivement, que j'aime bien. Il y a des résonances d'un lieu à un autre. Il y a, comme tu dis, ce fantastique, avec notamment une musique aussi qui vient porter ça. Et visuellement, c'est quand même très, très beau. Et ça raconte un truc très ténu et en même temps très intime. De parents qui peuvent même plus être dans le même endroit en fait, l'un à côté de l'autre, et c'est très fort. Et enfin, un dernier conseil, parce que moi c'est aussi un de mes gros coups de cœur là, de la programmation, c'est un 26 minutes qui s'appelle Maman pleut des cordes d'Hugo de Fauconpré, qui est un film qui, moi, m'a beaucoup ému, qui déborde d'énergie, qui nous raconte donc l'histoire d'une petite fille qui doit aller chez sa grand-mère en vacances. C'est quelque chose qui, une histoire qui paraît vraiment très banale. Elle doit aller chez sa grand-mère en vacances parce que sa maman fait une dépression. Et il y a une grande beauté dans, je trouve, la façon dont le réalisateur l'a a parler de ce sujet et sans en faire quelque chose, il n'y a pas nécessairement d'obstacle dans le parcours de du personnage principal. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui a souligné là, notamment dans ce format-là de 26 minutes, qui est souvent assez charté au niveau du scénario du fait de la diffusion télé. Voilà, je trouve qu'il y a une liberté qui est prise de ce point de vue-là et qui fonctionne très bien et qui est porté aussi par de super acteurs pour les voix. Il y a Arthur Hache, il y a Yolande Moreau. Enfin voilà, c'est un film que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir. Il est sur Canal+, normalement. Voilà, et pour enchaîner, on va vous diffuser donc dans la deuxième heure de cette émission deux interviews qu'on est très très heureux de vous présenter. Une interview de Sophie Racine qui a réalisé Rivage, dont on vous a déjà parlé dans le Retour d'Annecy. Prix André Martin 2020. Prix André Martin au festival. Et donc voilà, qui est un film qu'on aime beaucoup dans l'équipe, et donc on est ravis de pouvoir vous présenter cette interview avec Sophie. L'interview sera entrecoupée d'un extrait de Sonore de Rivage. Puis ensuite, on enchaînera avec une interview de Bastien Duprier qui présente son film. Donc les deux films étaient présents en compétition à Rennes, et Bastien présentait le film Lisa. Et donc il y a un film expérimental sur pellicule qui est une espèce d'improvisation, et il vous en parlera tout à l'heure. Et le film sera précédé donc de la bande son du film Lisa, donc il y a un morceau une composition de Georges Gershwin. Et juste au milieu de l'interview, vous aurez aussi un morceau composé par Bastien qui est la bande son d'un film qui s'appelle 43 Trip, pardon pour l'anglais, de Valentine Dumez, et donc il y a une bande-son à la guitare. Bastien parlera un tout petit peu de sa pratique de la musique aussi dans cette interview. Voilà, et avant de lancer cette interview, on écoute un morceau que Nicolas nous a proposé. Je te laisse le présenter. Alors, c'est un morceau d'une chanteuse londonienne assez jeune qui n'avait fait pour le moment qu'un EP en 2015, et donc elle revient 6 ans après, même s'il y a eu quelques singles qui avaient été présentés en fin d'année dernière, dont une reprise d'Elvis Presley qui s'appelle Always on My Mind. Et là, elle sort donc en ce début d'année un premier album qui s'appelle Common Thorn. Elle-même s'appelle Anna B. Savage. Et en fait, c'est une chanteuse de folk, un folk assez épuré, parfois un peu maniériste, mais intense et vraiment intimiste, et dans lequel elle évoque vraiment, sans détour, de manière parfois assez crue et directe, justement, son rapport au corps, ses traumatismes, ses expériences, et notamment ses expériences sexuelles, ce qu'elle fait notamment dans ce morceau que je vais vous proposer qui s'appelle Chelsea Hotel No. 3, qui fait directement référence évidemment à la chanson célèbre de Leonard Cohen, Chelsea Hotel No. 2, qui évoque justement une nuit avec Janis Joplin. Et là, elle reprend d'ailleurs même un vers de cette chanson avec un « He was giving me head on my unmade bed ». Et en fait, ici, pour cette chanson, Donc, je vais, entre guillemets, lui laisser la parole, puisqu'elle s'est exprimée justement dans une interview, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui dit tout, on va dire, de la chanson, et qui elle chante vraiment avec une très belle voix, très grave, et vraiment magnifique. Elle explique justement « Se masturber a été ma résolution du nouvel an 2016. Cela faisait partie de mon besoin de combattre toutes les conneries internalisées que j'avais ingérées sur les femmes. J'ai passé ces dernières années à désapprendre activement des choses dont j'ai été passivement nourri mes 20 premières années, comme la façon dont les femmes sont sexualisées, mais n'ont jamais le droit d'être sexuelles. Elles sont l'objet, parfois même un objet. Il m'a fallu jusqu'à 21 ans pour commencer à me masturber, encore plus longtemps pour réaliser que le sexe était aussi pour moi révolutionnaire, je sais, et que je pouvais pouvais demander des choses. C'est très frustrant et triste. De ces pensées est né le Chelsea Hotel No. 3, dans lequel elle évoque aussi, par exemple, Tim Curry dans Rocky Horror Picture Show et Alfonso Cuarón et Ituma Matambien, donc une chanson aussi très cinématographique. Eh ben, merci beaucoup Nicolas, merci à l'autre Nicolas qui est derrière la console et qui nous a fait la réale. Voilà, on écoute le morceau et on vous dit à dans un mois. Bye bye. Giving me head on my unmade bed, so I tried to stay focused. But with Chelsea Hotel number 2 playing in the other room, I giggle, my mind runs away. With me, Chelsea Hotel number 3. I also don't know how to please myself. Taught that it was secondary to pee. So I taught that it was secondary to peace. came when I would. Never thought to try. Internalized everything. Bought my first bullet at 23. So then I knew differently. Unlearning everything. As we know, practice makes perfect. New Year's resolutions. I will learn to take care of myself. Take care of myself if you at me. Well, don't stop now, I say, but he's rubbing his jaw. I was distracted, trying to finish myself, then think of Tim Curry in lingerie or holding her heavy breast, or y tu mama también. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous pour parler de ton dernier film Rivage qui est en sélection au Festival de Rennes, qu'on essaye de couvrir un petit peu avec Bulle de Rêve. Bah, pour commencer l'interview, pour présenter un petit peu le film, Rivage, c'est un film qui est pas mal dans la continuité de tes films précédents, qui est un film qui est encore une fois sur un travail beaucoup sur le paysage, sur l'ambiance, qui est autour de l'observation du paysage. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on construit un film comme Rivage ? C'est-à-dire que dans le film, tu as une forme de narration qui est installée par l'arrivée de cet orage qui va construire un espèce de fil dramatique. Et je me demandais, après que cette structure soit posée, comment est-ce que tu construis le film autour de ça ? Est-ce que tu déroules le film au fur et à mesure, ou est-ce que tu fais un storyboard sur tout le film? Comment ça se passe? Disons que je pense que le film, il se construit petit à petit. Je suis pas partie du fil dramatique pour faire le film. C'est en fait partie d'images au départ, et je travaille un peu de façon morcelée. En fait, je vais avoir un certain nombre d'images, et puis je vais essayer petit à petit de trouver un rythme, de trouver un ordre. Je crois qu'une des premières étapes pour Rivage, j'avais toute une série de dessins, et à un moment donné est venue l'idée de savoir si je voulais faire un cheminement dans un paysage ou si je m'intéressais à un paysage, à un endroit. Et on découvre toujours les mêmes lieux, mais à des différents moments. Et du coup, c'est cette option-là que j'ai choisie pour Rivage. Donc, je l'ai vraiment construit comme si le spectateur occupait un poste d'observation avec des jumelles. et pouvait voir le paysage qui l'entoure. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée que tous les plans seraient des gros plans de ce paysage. Donc déjà là, ça m'a permis de faire une première construction spatiale, en fait, d'éliminer certaines images, de construire vraiment le lieu qui m'intéressait, où elle est située tout le film. Et après, la structure dramatique, elle est venue petit à petit, en tâtonnant. Je pense plus en faisant une animatique, en faisant un storyboard. Enfin, c'est difficile parce que c'est en fait, il y a des choses que j'avais en image, il y avait des choses que j'écrivais. Enfin, des fois, du coup, je réfléchissais à la structure, ça me donnait des idées, donc je revenais à l'image. Enfin, c'est un peu un va-et-vient entre l'écrit, entre le dessin et entre le montage. Juste, je me demandais, est-ce que la petite Sophie, elle était déjà, elle regardait toujours autour d'elle. Je me suis demandé si petite, tu étais déjà dans les paysages et tu regardais tous ces paysages, tu t'imprégnais de ça, et ce qui fait que un peu plus grande, quand tu as commencé peut-être à dessiner, à faire de l'animation, ça t'est venu naturellement. C'est pas facile comme question. Je sais pas, non, je crois que ça s'accentue avec le temps. Je crois que plus je regarde et plus ça me fascine et ça me donne envie de regarder. Est-ce que tu penses que c'est venu peut-être avec ta pratique du dessin de plus en plus, justement, cette facilité? Ouais, après, c'est vrai que la pratique du dessin, pour moi, elle est venue depuis toute petite. Depuis toute petite, je dessine beaucoup. J'ai pris des cours de dessin très tôt, mais parce qu'il y a une envie, il y avait une envie de dessiner depuis toute petite. Donc, je pense qu'il y avait quand même... pour moi, le dessin, il passe toujours par l'observation. Je dessine pas vraiment d'imagination. Je dessine... petite, je copiais beaucoup. Ou alors, je dessinais ce qu'il y avait autour de moi. Mais donc, peut-être que oui, ça a forgé quand même les choses. Il y a Pascal qui demande là s'il y a des éléments documentaires dans la création visuelle et sonore, est-ce qu'il y a des images ou des sons directement tirés d'un lieu? Et moi, j'ai une question qui est plus par rapport à ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as dit que tu avais créé la structure du lieu, c'est un lieu que tu as inventé, du coup, que tu as construit? Oui, c'est un lieu que j'ai inventé, mais il y a quand même une base... entre guillemets documentaire, non, en tout cas, enfin, pas vraiment la volonté n'était pas de faire un documentaire, mais je me suis inspirée de lieux qui existaient, notamment à l'île de Bas, où j'ai été beaucoup étant enfant. Et du coup, il y a certains éléments du paysage qui existent. Il y a des arbres, des avancements qui viennent vraiment de ce que j'y ai vu, de ce que j'ai pu prendre en photo, de ce que j'ai pu dessiner là-bas. Mais après, pour construire le film, là, j'ai reconstruit le lieu. Donc, du coup, plus fictivement, en rassemblant les éléments qui m'intéressaient pour pouvoir vraiment y mettre... pour rassembler différentes impressions qui venaient parfois de lieux assez éloignés. Et au niveau du coup, pour répondre à la première question... Il y a aussi des prises d'ambiance qui ont été faites ensuite sur l'île de Bas. Là où il y a, enfin, d'où est inspiré le film. Ah, pardon. J'avais une autre question, c'était à propos du fait que tu fais des films qui tournent beaucoup autour du paysage et de l'observation. C'est une forme qui est assez rare en animation, quand même. Et je me demandais si du coup. T'avais des sources d'inspiration qui venaient peut-être de l'animation ou pour le coup de la prise de vue continue, ou est-ce que ou même tu vas piocher dans d'autres médias artistiques? Je pense que mes sources mes références artistiques, elles viennent plus de la peinture, de la photo, des arts visuels, des arts plastiques que du cinéma, en fait, ou du cinéma d'animation. Cinéma, j'y suis arrivée assez tard, finalement. Moi, au départ, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le dessin. Et après, au lycée, j'avais découvert un peu dans mes cours de spécialité art plastique l'art vidéo. et donc des films. Donc il y avait tout un pan vraiment d'art vidéo avec des artistes comme Lil Viola, ou bien des films. Un film qui m'a marqué, par exemple, c'est Jerry de Gus Van Sant, que j'ai vu, qui du coup me montrait aussi un cinéma que j'avais pas l'habitude de voir jusqu'à présent. Mais ouais, je pense que mes références, elles sont plus du côté de la peinture, de la gravure. C'est rigolo parce que tu parles de Jerry de Gus Van Sant, toute Billy Viola. Dans Jerry, il y a tout un côté contemplatif, et j'emploierais pas forcément ce mot-là pour tes films. J'emploierais plutôt le côté descriptif, en fait. Et je me demandais si la littérature, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, parce que j'ai plus l'impression d'avoir quelqu'un qui va me décrire un paysage qu'elle a autour d'elle, comme, je sais pas, une grande description dans un livre, tu vois, qui nous amènerait, qui, à travers cette description, amènerait vers un ressenti que la personne a à travers ce paysage. Je lis beaucoup par période. Je vais avoir des longues périodes où je lis pas et des longues périodes où je lis beaucoup, quitte à passer mes journées vraiment à lire sans réussir à décrocher. Donc, c'est les moments où tu travailles pas? C'est-à-dire que les moments où tu travailles moins, tu lis beaucoup, par exemple, et puis les moments où tu travailles, ouais. Plus, tu lis moins? Plus que entre moments où je travaille et moments où je travaille pas, je dirais que c'est entre les moments où je réfléchis à un film, où j'essaie d'écrire le film, c'est des moments où je lis assez peu finalement, parce que j'ai pas l'esprit disponible pour me plonger dans un livre. Alors que quand j'étais en production pour Rivage, par exemple, surtout qu'au début j'avais pas internet chez moi, et alors là je me suis rendu compte que je lisais énormément. Parce que le soir, finalement, après ma journée de travail, et comme j'avais un esprit finalement plus disponible, puisque le film était à peu près était un peu plus calé au niveau de l'animatique. Donc là, par contre, je lisais beaucoup. Antoine, Pascal disait quelque chose, je sais pas, je peux le dire esthétiquement. Antoine dit qu'il, pardon, Pascal dit qu'il a aussi beaucoup pensé aux estampes japonaises, en particulier au Kusai et Roshige, dans leur façon de mêler les paysages à des intervenants humains qui semblent très secondaires, mais interagissent avec cette nature, chacun finalement nourrissant l'autre. Est-ce que c'est des références qui te parlent? Oui, oui. Beaucoup, beaucoup, bah, développe un peu. Bah, la gravure en général, ça me parle. Oui, ça me parle beaucoup. Après, effectivement, il y avait les gravures de Kusai, mais pas que. Il y a aussi, je pense, toute la peinture chinoise qui m'inspire beaucoup. Et puis aussi la peinture plus occidentale, des peintres comme Monet plutôt. Oui, parce que même si c'est en noir et blanc, j'ai beaucoup pensé à Monet aussi, alors peut-être à cause de la Bretagne, du côté, mais il y a vraiment toute cette ambiance qui est très forte, en tout cas, d'un presque impressionniste, finalement. Oui. Puis dans le rendu de la lumière, en fait, de ces variations aussi dans le temps, on retrouve beaucoup ce côté aussi qu'on a dans les nymphéas de Monet à l'orangerie, où on est entouré. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais imaginé un personnage observateur. C'est pour continuer sur ce que disait Alexis, il y a un travail sur la sensation qui est très très fort dans tes films. Est-ce que ouais, c'est quelque chose que tu mets en place à chaque fois, de mettre un observateur dans ton film, de penser un personnage observateur, ou c'est quelque chose qui est venu là sur ce film-là seulement? Non, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment pensé à l'observateur Mais après, je crois que au final, l'observateur, c'est moi, en fait. Dans mes films, c'est beaucoup sont faits à partir de souvenirs. Dans Balade, je pense que c'est assez évident que il y a des passages qui sont presque des pages de carnet de croquis. Donc, finalement, c'est moi l'observatrice de ce. Et c'est vrai qu'après, au niveau des sensations, oui, je pense que c'est toujours présent. Et du coup, je pense que justement, ça passe. Enfin, moi, c'est quelque chose qui ne passe pas par les mots. Donc, comme tu me parlais de littérature, Alexis, c'est presque étonnant parce qu'en fait, justement, c'est des choses que je n'exprimerai pas par des mots. Que je cherche à exprimer par des images et par l'animation, mais que je n'arriverai pas à exprimer avec des mots. Et c'est pour ça que je rebondirais sur ce que disait Antoine. Je pense que tu prends une place, on va dire, un peu à part dans le monde de l'animation qui se croit descriptive parce que de toute façon il y a un dessin et se croit forcément dans cette espèce de volonté de description et qui souvent, je trouve, ne le fait pas parce que. Il est descriptif, mais il est aussi, on va l'emmener dans la métamorphose, dans plein de choses. Et je pense que tu prends une part qui, justement, est proche de la littérature avec des images, mais d'un seul coup, dans ce côté presque, qui est à la fois étonnant, photoréaliste, entre guillemets, et à la fois complètement esthétique. Et il y a quelque chose là qui est, que je trouve que tu mets en place au fur et à mesure de tes films. Qui serait comme pas un équivalent de la littérature en images, c'est pas ça, mais quelque part quelque chose comme ça. Quelque chose qui serait plus proche de la poésie, mais uniquement avec des images et des sons. Des fois, ça me rappelle une remarque pour Rivage où j'avais parlé un peu à des gens, notamment des scénaristes au tout début. Quelqu'un m'avait dit, mais pour ton projet, il faut que ce soit accompagné de mots, presque d'un poème qui serait dit. Et moi, mon but, c'est que le film soit suffisant, qu'en fait, ça ne passe pas par les mots, que ce soit les images et le son et la musique qui parviennent à dire ce que quelqu'un aurait pu dire avec un poème. C'est pas l'illustration des mots, ça se suffit, en fait. Ça tombe bien que tu nous parles de ça parce que moi j'avais une question qui était un peu en rapport avec ça, c'est comment, parce que la Cambre c'est quand même une école où il y a une grande liberté et où du coup développer des films comme les tiens, il y a une espèce de, j'aime pas le mot, mais de facilité au sens où il n'y a pas à justifier dans un dossier ou dans un scénario, enfin voilà, de pas amener des éléments pour un financement en fait. Et je me demandais comment ça s'était passé le passage à un film professionnel et à justement ces étapes qui correspondent, enfin qui sont difficilement envisageables avec au vu de ton processus créatif. Ben c'est pas facile, il n'a pas été facile à financer. La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir démarrer quand même avec une résidence de création à Meknès, organisée par la MEF notamment, où là, ça permet quand même d'avancer sur le projet, justement, sans avoir justifié, en tout cas par des mots, par un parcours classique de scénario ou autre. Et après, oui, effectivement, pour les recherches de financement, je me sentais un peu... J'avais parfois un peu de mal à rentrer dans les cases. Quand je voyais des fois des dossiers qui demandaient des model sheets, des descriptions de personnages et un scénario, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais présenter mon dossier dans ce carcan qui ne correspondait pas, quoi. Et comment on fait, du coup? Quelle solution vous avez trouvée? J'ai quand même écrit ce que j'ai appelé un scénario, mais qui en fait était plus une description de mes images et que j'écrivais après avoir dessiné. Pas vraiment le temps. Et puis, pour le storyboard, après, si j'ai quand même eu une première étape qui ressemblait un peu à un storyboard, mais très vite, je suis passée à l'animatique pour pouvoir travailler le rythme. Et du coup, quand on faisait les dossiers pour les financements, je partais de mon animatique pour refaire un storyboard pour les dossiers. d'avoir un jeune producteur, on va le dire, hein, comme Yves Bouvray, voilà, qui en tout cas débute avec sa société Amstramgram. J'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur le coup de cœur et sur un projet, et il a un côté, enfin moi je le connais en tant plutôt qu'animateur de salle ou de choses comme ça, il a un côté assez bienveillant et voulant arranger les choses en tout cas. Est-ce que c'est important pour peut-être mettre à l'aise par rapport à tous ces dossiers, toute cette partie-là justement de financement? Oui, ça a été important parce que bah déjà le fait d'avoir quand même d'avoir un producteur et d'avoir Yves qui s'engage sur le projet, c'était quand même, enfin, ça prouvait que le projet, en tout cas au moins, pouvait au moins intéresser lui, donc possiblement d'autres personnes. Et puis il y avait une certaine forme d'engagement aussi. Du coup, à un moment donné, j'aurais pas pu arrêter le projet, me dire j'en ai marre, j'arrête le projet. Il y avait aussi un engagement mutuel qui faisait que le projet continuait à avancer. Et puis c'est vrai que oui, Yves, il est très bienveillant, donc dès qu'on avait un refus, il était là, bon, bah, c'est pas grave, c'est bien, allez, hop, on prend le plan B, et puis il relançait tout de suite sur d'autres possibilités. Et ça, c'est vrai que c'est aussi important du coup d'avoir quelqu'un derrière qui y croit et qui se dit, bon, c'est pas grave, là on a un refus, mais on continue, on va trouver par un autre biais, et de sentir que lui, il avait envie de finir ce film, enfin, que ça lui tenait vraiment à cœur et que c'était pas soumis uniquement à des financements, quoi. L'idée n'était pas de se dire, si on n'a pas de financement, on ne fait pas le film. L'idée était vraiment de dire, on fait le film et on trouve les solutions, les plans A et les plans C pour faire le film. Donc oui, c'est important. Je pense qu'on aura à un moment donné, en tout cas, la visite de Yves Bouvray, qu'on a déjà eu à Bulle de Rêve pour Image par Image, mais il a un catalogue, en tout cas, il a des propositions. Là, le film de Sophia El-Khary qui commence, jeune réalisatrice, voilà, qui commence à Angoulême, donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a normalement Valentine Delqueux, qu'on connaît bien aussi, à Bulle de Rêve, voilà, qui va avoir. Et c'est des films très pas compliqués, hein, dans le sens, ils sont pas des films compliqués, mais en tout cas compliqués à financer, à amener, souvent, avec des réalisatrices, des réalisateurs qui débutent comme ça et qui ont des propositions absolument passionnantes. Donc voilà, je pense qu'on aura, j'espère en tout cas, Yves Bouvray prochainement à Bulle de Rêve. Moi, je me demandais aussi comment est-ce que, est-ce que tu as l'impression de construire quelque chose, c'est-à-dire au fur et à mesure de ces films où t'explores quand même quelque chose qui est dans la même veine d'observation, encore une fois, de grosse présence du paysage. Comment est-ce que tu appréhendes un nouveau film après les précédents? Comment ça se passe, cet enchaînement et cette construction de quelque chose qui est d'ordre presque de la recherche, en fait? Bah, dans le cadre des trois premiers, du coup, comme c'était des films d'étudiants, cet enchaînement, il était induit par le parcours pour valider mes années. Après, j'ai eu un peu de temps avant de retrouver des idées. Finalement, j'ai mis du temps entre la sortie de l'école et puis le moment où j'ai commencé les vaches. J'avais envie de faire un film, mais j'arrivais pas à trouver vraiment l'idée porteuse, ou en tout cas le moyen de vraiment démarrer plus concrètement. Et je pense que depuis Rivage, je crois que je réfléchis un peu plus aussi à comment ils s'articulent entre eux et quelles sont finalement les choses qui reviennent d'un film à l'autre. Je crois que j'en ai un peu plus conscience aujourd'hui que je ne l'avais quand j'ai fait les trois premiers. Et du coup, je pense que ça joue dans mon envie de faire les prochains. Enfin, je pense que je conceptualise un petit peu plus. Et le prochain, il est déjà en écriture, du coup. Là, ça s'est finalement assez vite enchaîné parce que j'ai eu l'idée alors que j'étais en production de Rivage. Donc, je pensais pas être capable au départ de commencer à réfléchir à l'écriture d'un film avant d'avoir fini l'autre. Et finalement, si j'ai réussi le soir, le week-end, à commencer à écrire des choses avant d'avoir fini Rivage. Et pour moi, je le vois vraiment du coup dans la lignée, quoi. Enfin, avec des différences aussi, mais il y aura des points communs et ça va prolonger certaines idées, certaines choses. Je vais avoir une question à pas piège, hein, c'est pas voulu, mais est-ce qu'on a un peu peur toujours quand de pas être catalogué ou à un moment donné de se dire, et j'aime pas le mot catalogué, mais de se dire d'un seul coup, oulala, on va me redire que je fais un film sur une balade ou sur la nature, les paysages, ou au contraire, c'est plutôt du style à avoir un poil à George Fitzgibbon, c'est-à-dire une idée comme ça que tu aimes et que tu as envie de creuser. Et je trouve que c'est souvent une erreur, les gens voient les films de George Fitzgibbon en disant c'est toujours le même film, alors que non, ce n'est pas vrai, il y a toujours des petites choses qui fait évoluer, avancer. Toi, tu te situes dans quel côté? Bah, si, il y a quand même toujours un peu la peur de se répéter et de refaire la même chose, mais en même temps, je me rends aussi bien compte que les choses qui m'intéressent, elles ne changent pas d'un film à l'autre. et que si j'y reviens, bah, c'est que j'ai peut-être encore envie de le traiter et qu'il y a aussi des choses qui sont moins présentes. Je pense que dans mes premiers films, par exemple, la ville était plus présente qu'elle n'est maintenant. Je me rends bien compte qu'en 10 ans, il y a quand même des thématiques qui m'intéressaient beaucoup et qui sont un peu moins présentes, qui reviendront peut-être. Mais je crois que... Enfin, j'ai envie de faire des films qui me plaisent, qui m'intéressent. Et je crois que je ne suis pas vraiment ce centre d'intérêt. Ouais, nous, on s'en lasse pas. Il y a Pascal qui demande, tu avais des indications très précises pour la musique du film. Est-ce que tu avais... On peut même dire les sons, pardon. Oui. Non, j'avais pas des indications très précises. Au départ, j'avais pensé que la musique serait moins présente. Pour le coup, autant je dessine depuis toute petite, autant la musique et le son, c'est quelque chose que je manipule pas bien. Et donc là, je laisse beaucoup de liberté à la personne qui fait le son. Donc, en l'occurrence, là, c'est Yann Volsi qui s'est occupé à la fois du montage son et de la musique. C'était Anton Venicharov pour les trois précédents. Donc, non, j'ai pas beaucoup d'indications parce que je serais incapable d'imaginer une musique dans ma tête, par exemple, et de pouvoir après en parler. J'aime mieux avoir des propositions et que ce soit une base après de discussions, de travail, mais je serais pas capable, je pense, de diriger comme ça, de dire ben là, je veux tel type de musique. Ça veut dire que t'envoies le film comme ça, sans indication, ou il y a quand même des intentions, vraiment ouais. Non, il y a quand même. Enfin, il y a eu une rencontre quand même. On n'a pas forcément parlé de musique et de son, mais on a parlé du film, on a parlé du projet. Et puis, avec Yann, du coup, je lui ai montré aussi les trois précédents. On a un peu discuté. Je pense que, en fait, ça m'est plus facile de dire ce que je veux pas. Et après, enfin, je pense que lui aussi a, du coup, en ayant, via les discussions sur le projet, en ayant vu les autres films avant, a pu aussi un peu cerner les choses. Comment ça se passe, le dialogue, puisque tu n'es pas musicienne, comme tu dis, Yann Volsi est quelqu'un qui est musicien, qui adore ça, qui est dans le son depuis longtemps. Vous parlez, plutôt d'émotions, de sensations, ou comment ça se passe? Ouais, des sensations, d'ambiance. Oui, c'est, en tout cas, c'est pas un discours technique sur la musique, quoi. J'irais un peu, je suis pas complètement d'accord, c'est dommage, Pascal ne peut pas répondre en disant que les humains finalement secondaires interagissent avec cette nature. Pour moi, l'être humain existe quasiment pas dans ton cinéma. Il est loin, il est très lointain. C'est quoi? C'est une peur de l'être humain, de l'artiste, hein, j'irais pas Sophie Racine, de la personne Sophie Racine. C'est une timidité naturelle qui fait que, voilà, c'est, parce qu'en fait, sauf voilà, dans un de tes films, on arrive sur quelqu'un qui joue du violoncelle dans une clairière à un moment donné, mais qu'on voit même pas complètement. Enfin voilà, qui est là. C'est vrai que voilà, c'est plutôt, c'est rarement présent l'être humain chez toi. Mais je pense que c'est parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le paysage, c'est le temps qui passe. En fait, ça m'intéresse beaucoup le temps. La durée, les choses qui changent. Moi, ce qui me fascine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau, de vent, de reflets, des choses comme ça dans mes films. En fait, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que ça change tout le temps. Et en même temps, cette durée et ces instants aussi qui vont être marquants à un moment donné, une lumière, quelque chose qui fait qu'à un moment, on va être marqué par quelque chose. Donc, ça se joue plus entre le rapport, mes sensations et mes émotions face à un paysage, en fait, et pas face à une rencontre humaine. Je crois que c'est juste pour ça qu'ils sont un peu plus loin. Donc, finalement, c'est un cinéma qui t'espère, va jouer sur le spectateur, la spectatrice directement, comme toi en tant qu'observatrice du film, plutôt que de jouer sur une empathie, en effet, d'une rencontre ou quoi, mais plutôt sur cette idée de temps, comme tu dis, qui passe. Ouais, sur le fait qu'au final, ce que j'essaye de rendre aussi, c'est des émotions qu'on peut tous avoir, enfin, je pense qu'on a plus vécu, et qu'en fait, ça parle de choses du quotidien et d'une certaine familiarité, et que les gens vont s'y reconnaître, en fait, ou que le film va servir de support pour eux se replonger dans leurs propres souvenirs, enfin, qu'il y ait un partage, en fait, via le film, par une reconnaissance beaucoup de gens m'ont dit en voyant Rivage, ah, ça m'a rappelé mes propres souvirs. Je pense que le partage, il est là, en fait, plus. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions. Bonjour Bastien, merci d'être avec nous pour cette édition de Bulle de Rêve, en partie consacrée au Festival du film d'animation de Rennes. On est là pour parler de ton film qui était en compétition, qui s'appelle Lisa. Et ma première question, c'était, après tes autres films où la, Donc pour parler un petit peu du film, c'est un film expérimental en grande partie abstrait qui part d'une musique de George Gershwin, c'est ça ? C'est une composition de George Gershwin, ouais. C'est une composition de Gershwin et qui est sur pellicule comme une partie de tes précédents films comme Aérobie et Sous la canopée. Et alors moi je voulais te demander après tous tes autres films où la musique elle a été presque composée sur mesure, en tout cas à partir de tes images en partie. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci tu t'es allé vers une bande son qui était déjà existante ? Alors s'il y a une part quand même de challenge là-dedans. Et c'était aussi le fait de pouvoir essayer de créer quelque chose qui soit lié à la musique et que ce soit vraiment la musique le fil directeur. Et par cette technique avec un synchroniseur, c'est une vieille outil qu'on utilisait pour synchroniser les pistes son et les pistes images dans les montages 35 mm au cinéma. Et en fait, je voulais réutiliser ce principe-là et ces outils-là pour me dégager de tout ce qui pouvait être numérique ou informatique et me laisser guider que par la bande son. Et donc ce processus-là force à faire une détection sonore sur une bande son analogique. Et à partir de ça, les idées viennent. Bon, moi j'avais quand même fait des dessins, je savais à quel moment je changeais d'ambiance, etc. Et c'est ce fil conducteur de musique en fait qui nous aide à avancer, et je voulais inverser ce principe là que j'avais avant où c'était des images et ensuite il y avait la musique qui venait après. Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce que c'est une détection, ça fonctionne comment? Une détection en fait là très concrètement avec cette machine, la bande son c'est une bande 35 mm qui est opaque, il y a une tête de lecture qui vient se poser dessus, une tête de lecture magnétique, et en fait on fait tourner la bobine. Et quand la bobine tourne, on va entendre la bande-son passer donc, au casque, et on va entendre la bande-son en 24 images secondes. Donc les sons, bon, je ne vais pas le faire là, mais il faut s'imaginer une bande-son ou quelqu'un qui parle ou du piano très ralenti. Donc c'est pas très... on discerne vraiment pas bien ce qui se passe, mais c'est justement écouter toutes les subtilités, toutes les nuances, toutes les variations dans le son. Donc ça implique de forcément écouter de très nombreuses fois les passages en question, dire « Ah, ça doit correspondre à ça, ça, ça correspond à ça. » Et ensuite, du coup, sur cette bande-son magnétique, moi, avec un marqueur, je venais faire des croix, des ronds, des traits, des hachures, des traits qui me disaient « Bon, voilà, pendant 50 frames, je peux faire un trait, là, je peux faire ci. » Et à partir de ça, donc de ces petites indications, on passe sur la bande transparente sur laquelle on vient... dessiner, et donc on peut toujours écouter, mais on se cale par rapport à ces indications, et normalement, si on a bien fait notre travail, l'image qu'on a fait colle avec la bande. Et ça a fonctionné, t'as refait du montage dessus ou pas du tout sur le film? Il n'y a pas du tout de montage, j'ai testé au début quand même sur une dizaine de secondes, voir si j'allais pas n'importe où. Il se trouvait que ça marchait assez bien. Du coup, j'ai fait les 2 minutes d'un coup. Et c'est quelque chose qui est quand même vachement agréable parce que j'avais passé entre 1 mois et demi et 2 mois à dessiner sur la pellicule, à ensuite à prendre les photos pour la numériser. Et après, donc là, sur ordinateur, superposer la couche de son et la couche d'image. Et là, il n'y avait plus rien à faire, tout était synchronisé. Donc ça, c'est un moment un peu jouissif qui fait plaisir. Je vais revenir parce qu'il y a plusieurs choses que tu as dites qui sont hyper intéressantes. T'as dit que tu avais quand même préparé un petit peu le film. T'as construit avec des ambiances déjà. Tu savais que tu avais des phases dans le morceau. Tu avais quand même un petit peu préparé. Ouais, après, c'est pas à l'image d'un storyboard traditionnel, hein, si je puis dire, mais c'est vraiment de se dire, bon, bah. À partir de ce moment-là dans la musique, là, je peux me permettre de mettre ça. Là, j'ai telle image que j'ai envie de placer. Là, il y a ça. Et après, c'était des petits croquis, c'est des animations assez simples. Mais là, ça va plutôt être des hachures. Là, ça va être des traits. Là, ça va être des taches. Là, ça va être des traits qui vont osciller ou ce genre de choses. Et après, j'avais aussi récupéré des bandes son 35 mm de des bandes annonces pardon de films 35 mm. Et en fait, j'avais pioché dedans des images qui m'intéressaient. Et c'est pas très visible, mais il y a quelques images un peu subliminales où on voit des personnages. Et ça, ça fait partie des choses que j'avais décidé avant et que j'avais rotoscopé en fait avec la pellicule. Et t'avais fait quand même des petits essais ou t'es parti J'ai fait des essais, mais il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Et alors justement, ton film précédent, Sous la canopée, c'est un film que déjà que t'as essayé de produire avec quelqu'un, t'as mis le temps de faire des dossiers, de préparer. C'est un film qui est aussi un petit peu plus écrit que Lisa. Est-ce que du coup là il y avait un besoin tu as fait le film très rapidement finalement, est-ce qu'il y avait besoin de quelque chose de très rapide, spontané à ce moment-là? Ouais, bah, c'est exactement ça, j'aime bien essayer d'alterner entre un projet un peu plus conséquent où il y a vraiment une réflexion en amont qui est un peu plus conséquente et puis quelque chose de beaucoup plus spontané où on peut vraiment se lâcher. Et là, je pense que c'est peut-être que c'est de la chance avec cette technique, mais au moins cette technique permet de vachement se libérer de plein de contraintes et d'aller à l'essentiel et de produire assez rapidement quelque chose qui est esthétiquement intéressant et qui nous fait plaisir tout simplement. Et c'est des films dont tu te sers pour nourrir aussi des films un peu plus conséquents ou enfin en termes d'expérience ou c'est vraiment juste des échappatoires ou ça te permet de te défouler? Non, bah c'est une bonne question parce que je les vois exactement aussi comme quelque chose où je peux essayer ce que j'aurais pas osé peut-être de faire sur Sous la canopée par exemple parce que j'étais pas du tout sûr de d'être capable de le faire tout simplement. Et si Lisa avait été fait avant Sous la canopée, je pense que Sous la canopée, il y aurait eu une grande partie qui aurait été faite différemment. Mais je suis très content d'avoir fait Sous la canopée de cette manière-là. C'est une autre approche et ça permet de travailler aussi différemment. Et là, en l'occurrence, Sous la canopée, le travail était travaillé vraiment différemment et depuis le tout début de la réflexion, en fait. Et c'est un travail qui est tout aussi intéressant que de partir de la musique. Et là, tu dis que tu aurais fait Sous la canopée différemment. T'as un nouveau projet de film en ce moment ou... Ouais. J'ai un nouveau projet, mais qui se veut quand même plus narratif et plus figuratif. Donc, bon, il y a une prise de risque, mais il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer et qui m'intéresse aussi là-dedans. Mais tout en gardant... une part abstraite, une part expérimentale que je trouve nécessaire et qui m'intéresse particulièrement. C'est quelque chose. Enfin, c'est bon, quand on connaît vraiment tout ton parcours, là, on peut dire nous on était en classe ensemble, donc c'est quelque chose du figuratif. T'en as fait, mais il y a très longtemps, justement en DMA à l'ESAT. Qu'est-ce qui fait que là tu y reviens pour ce nouveau projet? Bah, je pense que j'y reviens parce que le propos du film, disons, est peut-être un peu plus lourd ou plus concret. Et là, ça se révèle nécessaire d'avoir une part figurative pour soutenir un peu le propos. Mais je trouve aussi nécessaire d'apporter une part abstraite et expérimentale qui permet d'aller un peu au-delà et d'exprimer les choses d'une autre manière et de toucher un peu les gens différemment. Une part un peu plus sensorielle que descriptive ou figurative. Il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans et qui n'est pas beaucoup exploité, je trouve. Alors les auditeurs peuvent pas le voir, mais derrière toi t'as des guitares, donc t'es aussi musicien. et je voulais quand même te poser une question. Donc pour revenir à Lisa, je me demandais si tu envisageais les choses de la même façon. Je sais aussi que en tant que musicien, t'aimes bien l'improvisation. Et je trouve qu'on retrouve quelque chose, même si là tu nous as dit tu prépares quand même un petit peu, mais il y a cette impression en tout cas dans Lisa d'un film qui est assez jeté et qui fait penser à un processus d'improvisation. Est-ce que c'est des parallèles que tu fais ou pas du tout, et t'as pas la même façon d'envisager en musique et en... C'est des parallèles que je fais, ouais, mais plutôt je dirais inconsciemment. Disons que ce que j'aime dans la musique et dans le jazz, c'est l'improvisation. Et là, dans la pellicule, c'est quelque chose que je retrouve aussi, bien évidemment. Et c'est aussi savoir se laisser aller et lâcher prise. On suit la musique et des fois, il y a des accidents. Bon, on peut pas faire marche arrière, on n'a pas de contrôle Z. J'ai fait des erreurs, il faut couper la pellicule, il faut la rescotcher avec une colleuse, c'est un peu plus fastidieux. Mais il y a en même temps quelque chose qui est un peu excitant aussi, de se dire bon bah je le laisse comme ça, on verra bien. Et des fois il y a des choses qu'on pense avoir réussi qui marchent pas bien, et des choses qu'on pense avoir ratées qui se révèlent super intéressantes en fait. et non vas-y. Non, j'allais dire c'est hyper intéressant parce que tu aujourd'hui il y a quand même une grosse partie des films d'animation qui sont faits en numérique, même en court métrage on a de plus en plus de numérique, et il y a cet aspect de revenir en arrière qui est facilité, on va dire entre guillemets. Et moi je me demandais justement si c'était une contrainte que t'aimais bien, juste, enfin est-ce que tu te poses aussi ces contraintes de travailler en pellicule pour te forcer entre guillemets à ce truc là de pas revenir? Ouais, il y a une forme de contrainte, ça c'est sûr, mais en même temps cette forme de contrainte, je trouve qu'elle impose une certaine forme de simplicité, dans le sens où on peut pas trop se permettre quoi que ce soit et se perdre. Et j'aime bien ce côté là de se dire bon bah ça je vais pas essayer, ou ça c'est impossible, je vais rester là dedans et essayer de faire mon mieux là dedans qu'avec le numérique, bon c'est très bien, hein, mais moi j'ai tendance à un peu me perdre et me dire bon ça c'est possible mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, il y a trop de possibilités. Et c'est il y a aussi ça je me l'impose pas, c'est un vrai plaisir, c'est de retrouver vraiment l'aspect concret du matériau. Bon là en l'occurrence c'est la pellicule, mais de travailler avec des plumes, avec de la gouache, des encres, et toujours toutes ces petites choses là qui font qu'on est en contact avec la matière et qui m'intéresse quoi. Oui, t'as aussi l'outil sur lequel tu travailles. Là, tu disais le lecteur, qui est quelque chose. Enfin, c'est vrai que ça ramène dans un univers très. Et avec la pellicule, ce que j'aime bien aussi, c'est de. Des fois, on en a un peu marre au bout de la fin de la semaine où on a passé tout son temps sur un format qui fait 3 cm. Et c'est de. Moi, je numérise avec un objectif macro. Et c'est de retrouver après justement sur grand écran des choses qui étaient toutes petites ou qu'on distinguait pas très bien même avec une loupe, et là qui révèlent plein de détails, de raffinements, des petites craquelures, des nuances dans la couleur, plein de choses comme ça. Et c'est là, c'est juste pour le plaisir de se dire ah c'est beau. c'est marrant parce que moi je vois très bien l'aspect de surprise plaisant. Enfin, moi, je sais que j'ai aussi dans ma pratique, j'ai ce besoin-là de dire, enfin, de me dire à chaque étape, faut qu'il y ait un peu de surprise parce que sinon, on s'emmerde un petit peu rapidement. Et je me demandais justement, là, tu vas faire un projet peut-être justement plus figuratif où il y a entre guillemets, ça suppose un tout petit peu plus de préparation de ce point de vue-là. Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que tu actes que justement ce sera plus préparé, peut-être plus cadré? Ou est-ce que tu essayes justement de trouver des solutions pour garder ces sentiments de surprise? Bah là, c'est un peu plus délicat de penser comme ça, je dois admettre. Donc c'est forcément un peu plus cadré. Mais la manière dont je conçois actuellement ce projet, tout n'est pas, disons que tout n'est pas linéaire. Et il y a quand même des parties où, qui gardent une certaine forme de liberté. Disons qu'il y a des choses qui nécessitent d'avoir un travail plus, plus réfléchi et beaucoup plus préparé, peut-être avec un storyboard ou ce genre de choses. Et des parties où c'est vraiment des intentions. Et moi, je fonctionne beaucoup avec des schémas et des courbes. Et enfin, disons que ça m'aide à avoir une représentation temporelle des éléments et de se dire à tel moment dans le film va se passer ça, à tel moment ça sera plus comme ça. Donc c'est pas forcément des choses qui sont vraiment écrites ou qu'on peut voir, mais c'est des choses sur, quand je vois le schéma, moi ça m'aide vachement à me repérer, à me dire bon bah là faut que je fasse ça, là je peux me permettre d'être beaucoup plus libre et je fonctionne aussi comme ça. Donc c'est savoir peser le pour et le contre et de parfois s'imposer des contraintes dans cette partie-là, mais dans une autre partie de c'est de se laisser plus aller et d'aller vraiment au comment dire dans quelque chose de beaucoup plus primitif et sensoriel quoi. Mais c'est hyper intéressant là ce que tu dis, ces outils là que tu utilises de courbes ou de c'est des vrais outils de réalisation en fait, c'est on s'extrait vraiment d'un outil comme le script qui est vraiment très détaillé et qui est presque fait, oui, pour faire les étapes d'une scène, mais tes idées de courbes et de schémas sur le film, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale. C'est ça, ouais. Et je sais que moi, c'est... Peut-être que je pourrais éviter de le faire et me dire, voilà, oh, c'est dans ma tête, je sais comment je vais faire. Mais le fait d'essayer de le poser sur le papier, sous n'importe quelle forme, que là, en l'occurrence avec un schéma, ça permet de, à la fin, ou quand on est en train de travailler, de se dire, bah, faut pas que j'oublie parce que c'était ça que je voulais faire et de pas se perdre parce que ça, c'est aussi un grand risque, surtout avec l'abstrait, je pense, d'avancer, puis de se laisser aller, de se dire, ah, bah, tiens, ça, c'est cool, ça me plaît aussi, puis au final, de se perdre totalement et de perdre l'intention qu'on avait au début. Et tu parlais de poser ça sur une forme de script, ça me rappelle que quand j'étais en résidence à la Cinémathèque québécoise, j'avais eu la chance d'avoir des archives de McLaren. Alors, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas citer le nom du film sur lequel c'était. Mais dans ces archives-là, il travaillait beaucoup avec plein de petits schémas, des tableaux, des annotations dans tous les sens. Alors, première vue, ça demandait un peu de travail de compréhension. Mais lui, à mon avis, devait très bien le comprendre. Et on voyait à quel point, en fait, c'était très, très, très réfléchi et il savait exactement où il voulait aller, quoi. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, Bastien. On espère avoir de tes nouvelles avec ce prochain projet de film. Et puis peut-être te faire venir dans Le Rêve pour un format un peu plus long. Mais en tout cas, merci de nous avoir parlé de Lisa cette semaine. Merci. Merci à Bastien et à Sophie de nous avoir accordé le temps de ces interviews dans le cadre du Festival du film d'animation de Rennes, organisé par l'AFCA. On remercie également le festival d'avoir organisé un si bel événement malgré les conditions. C'est pas facile et voilà, on est très admiratif du travail qu'ils ont mis en place pour faire vivre le cinéma d'animation et en particulier le cinéma d'auteur avec notamment une forte présence du court-métrage. Voilà, on vous retrouve dans un mois. C'était Bulle de rêve sur Radio Libertaire. Et à très vite. Bye bye.